On commence, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence maintenant le cours numéro 79 dans l'explication du livre Qurrat Uyun al-Muwahidin. C'est le sharh de Kitab al-Tawhid du petit-fils du Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est-à-dire le Sheikh Abdurrahman ibn Hassan Al-Sheikh. Donc, dans ce sharh, bon, il y a également les commentaires de Sheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. On continue donc à l'endroit où s'était arrêté à la dernière fois. On expliquait le hadith qui rapportait selon Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, hein, dans le chapitre 7, bab min ash-shirk libs al-halqati wal khayt وَنَحْوِهِمَا لِرَفْعِ الْبَلَاءِ أَوْ دَفْعِهِ. C'est-à-dire, parmi les choses qui font partie du shirk, il y a le fait de porter des bracelets ou des chaînes, des colliers ou bien des cordes, et on est dans le but de retirer un mal ou de repousser un mal. Et on a lu l'explication du verset jusqu'à date. On a lu le hadith de Imran ibn Hussein. Et là, c'est maintenant le hadith, le deuxième hadith, le hadith de Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, qui dit: Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah, wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Naam, donc c'est-à-dire que il mentionne ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit: quiconque accroche une tamima, c'est-à-dire une amulette, alors que Allah ne lui fasse pas n'accomplisse pas ou ne lui donne pas ce qu'il a voulu, hein? Que Allah ne lui donne pas ou n'accomplisse pas qu'est-ce qu'il a voulu, et celui qui accroche un objet quelconque ou une chose quelconque par laquelle il essaie de se protéger d'un mal ou de se guérir d'un mal, que Allah subhanahu wa ta'ala le délaisse ou l'abandonne. Une amulette, un gris-gris, un talisman ou peu importe quel autre objet ou chose que les gens peuvent porter. Et donc c'est ça. Et celui qui accroche une amulette, il a fait le shirk. Il a certes commis un acte de shirk. Donc, on continue donc dans l'explication par rapport à ce hadith-là. Au dernier cours, je pense qu'on avait lu l'explication des deux riwayat par rapport à l'explication du hadith lui-même et de sa signification. ترك الشرك ومن الشرك نعم تعلق الحلقة والخيط فكيف بغيرهما أو فكيف بغيرها مما هو أشد منها. Je pense que ça on l'a expliqué. Maintenant on est rentré, on expliquait à propos du sahabi dans la parole de Sheikh Abdurrahman ibn Hassan. Il dit: وعقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل ولي إمارة مصر لمعاوية سنة ولي إمارة مصر أو مصر ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. وفي هذا الحديث التصريح أن تعليق التمائم شرك لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه، وهذا أيضا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله، لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من سوى الله، كما تقدم في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فكمال التوحيد لا يحصل بترك إلا بترك ذلك، وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم. فإذا كان هذا قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بعد ما حدث من البدع والشرك كما في الأحاديث الصحيحة وتقدمت الإشارة إلى ذلك. Donc ici le cheikh il explique que Uqba ibn Amir, c'est un célèbre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un noble savant parmi les savants de la religion, parmi les sahaba, il a été le gouverneur de la région de l'Égypte à l'époque de Muawiyah pendant 3 ans, radiyallahu anhuma, et il est mort environ vers l'âge de 60 ans. Et dans ce hadith, il y a l'expression ou il y a l'énoncé explicite du fait que quiconque accroche un talisman a commis le shirk à cause de l'intention de la personne qui l'accroche de repousser un mal, ou de ramener un bienfait. Et dernièrement, je suis tombé sur un article qui avait été publié dans une revue et qui parlait justement de ce sujet des trucs que les gens mettent pour le mauvais œil, pour se protéger du mauvais œil. Et il mentionnait justement les paroles de certains qui ont mentionné les raisons pour lesquelles ils portaient ce genre de bijoux, ce genre d'ornement, ce genre de porte-bonheur ou de talisman. Et donc, je vais juste vous lire quelques exemples juste pour vous montrer à ce sujet-là. Parce que beaucoup de gens, parfois, ils prétendent en portant ce genre de choses que leur but, c'est pas de se préserver ou de se protéger d'un mauvais œil. Ils disent non, c'est juste une décoration. Donc, les gens qui portent ce genre de choses ou qui se réfèrent à ce genre d'objets, eh bien, ils témoignent eux-mêmes parfois du fait que la raison pour laquelle ils le portent, c'est à cause justement de chercher à se protéger du mauvais œil. Et même que parmi les koufars, il y en a d'autres religions, il y en a qui les utilisent aussi dans la même intention. Donc dans cet article, c'est dans un site, ça s'appelle Eurequoi, et l'article s'intitule « Que signifie l'œil bleu dans les pays arabes ?» Donc c'est le titre de l'article. Et il dit, il y a une citation ici qui dit par exemple, dans l'islam populaire, on désigne par le mauvais œil le regard envieux et négatif, et ainsi de suite. Après, il dit, les amulettes en forme d'œil sont destinées à se protéger contre le mauvais œil et plus généralement du malheur. La couleur de cette amulette en forme d'œil est souvent bleue, car on attribue à cette couleur des vertus protectrices. Notons également que la couleur bleue est considérée comme porte-bonheur chez les Hébreux. Donc, ça c'est tiré d'un livre, Les symboles de l'islam. Donc, il dit, dans la mystique musulmane, le bleu, surtout quand il tire vers le noir, représente les profondeurs insondables de l'univers. Ensuite, il mentionne d'autres exemples selon certains anthropologues, et ainsi de suite. Bon, je ne veux pas commencer à lire tous les détails de ça, mais c'est juste pour... Si vous voulez certaines références ou certains témoignages par rapport à ce sujet-là, eh bien, vous pouvez retourner à cet article. Et vous voyez, on voit clairement donc que si c'est dans cette intention-là que les gens portent ça, c'est du shirk. Et tu le vois chez certains musulmans. J'en ai vu personnellement dans certains commerces, dans certains restaurants, dans certains magasins. Certains même portent ça comme bijoux sur eux-mêmes, dans leur cou, et ils ne réalisent pas la gravité de ça. Et s'ils meurent avec ça sur eux, ils risquent l'enfer éternel. Si c'est pour la protection contre le shirk, si c'est pour la protection contre le mauvais œil ou contre les mauvais sorts ou contre le mal quelconque, la sorcellerie, ou contre un mal, ou contre une maladie, ou un porte-bonheur, dans ce sens-là, si quelqu'un pense que cet objet-là est capable de le protéger indépendamment d'Allah, c'est clair que ça c'est du shirk majeur. Alors celui qui meurt avec ça sur lui, imaginez, il a commis un shirk, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Celui qui fait le shirk avec Allah, certes Allah lui interdit le paradis. Et c'est le plus grand de tous les péchés. Celui qui garantit l'enfer éternel à celui qui meurt sans se repentir. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de grave. Et pourtant les musulmans, beaucoup de musulmans, ils le font sans, comme si c'était rien. Comme si c'était pas grave. Pourtant, si tu lui parles d'autres péchés, comme manger du porc, ah là, ça c'est. Pour eux, manger du porc, c'est presque comme. C'est plus grave que le shirk. Pour eux, manger du porc, c'est plus grave que le shirk. C'est plus grave que faire un doua à un wali, ou à prier à une croix, ou à se prosterner devant une idole. Et ça montre l'ignorance et le manque de connaissance et de compréhension à propos du fondement le plus important qui est dans l'islam, c'est-à-dire le tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah. Il y a beaucoup de travail à faire justement pour ramener les musulmans à la bonne compréhension et à la bonne connaissance par rapport à ce principe-là. Naam. Donc ici, le cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il explique par rapport à ce verset, certaines clarifications, c'est-à-dire le verset qu'on a cité. Mais avant d'arriver au verset, on va juste terminer l'explication qui est mentionnée auparavant, donc à propos des talismans, de porter des talismans et des amulettes, que ça fait partie du shirk. Et parce que la personne qui le porte, elle cherche à se protéger ou à repousser un mal ou à ramener un bienfait. Et ça, c'est le cheikh dit que ça c'est également en contradiction avec la pureté complète et parfaite de notre adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en contradiction avec la signification même du témoignage de l'islam qui est de dire la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, puisque le cheikh dit, puisque la personne qui est mukhlis, c'est-à-dire la personne qui est sincère dans son adoration envers Allah, eh bien son cœur ne va pas se tourner vers autre que Allah pour chercher un bienfait ou pour repousser un mal. Il ne se tournera que vers Allah subhanahu wa ta'ala dans ce genre de choses. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit, comme nous l'avons mentionné lorsqu'on a expliqué le verset 125 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et qui est meilleur en religion que celui qui a soumis son visage à Allah seul, qui a purifié sa religion pour Allah seul, alors qu'il est muhsin, c'est-à-dire alors qu'il suit l'exemple de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici le cheikh il explique justement, cheikh Al-Fawzan, un petit commentaire ici à ce sujet. Il dit, aslama wajhahu ya'ni al-ikhlas lillahi wa lam yaltafit ila ghayrillahi fi talab naf'in aw daf'i durrin wa innama ya'tamidu ala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa muhsin ay muttabi'un li sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam falaysa mubtadi'an wa la muharrifan وإنما يتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذان الشرطان هما أساس قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى الإخلاص والمتابعة. الإخلاص هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله, والمتابعة هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله. Donc ici, le cheikh, il explique que aslama wajhahu lillahi, c'est-à-dire de soumettre son visage à Allah, ça signifie de purifier, hein, de purifier ton adoration pour Allah seul et de ne te tourner vers personne d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de dans le fait de rechercher un bien ou de repousser un mal. Et tu ne dois donc t'en remettre que à Allah, hein, et reposer ta confiance que en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa muhsin, hein, alors qu'il est bienveillant, alors qu'il a al-ihsan. Ici, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il fait ses actions de la meilleure façon. Et ça implique quoi? Ça implique que tes actions, tu les fais selon la sunna du messager. Parce que tu ne peux pas être dans l'ihsan si tu n'as pas suivi l'exemple du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est imam al-muhsinin. C'est le guide des bienveillants. Le guide dans l'excellence par rapport à l'adoration. Alors, si quelqu'un veut être muhsin, il n'a pas d'autre choix que de suivre l'exemple de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça implique quoi? Ça implique qu'il ne doit pas faire d'innovation, de bid'a. Et ça implique qu'il ne doit pas déformer non plus les sens de la religion. Donc si quelqu'un fait des bid'a, il n'est pas muhsin. Il ne peut pas être muhsin parce qu'il n'a pas suivi l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam en faisant des bid'a. Et donc, le cheikh explique que ces deux conditions, hein, le fait d'être yani muhsin et le fait d'avoir al-ikhlas pour Allah et de suivre la sunna, ça c'est les deux conditions qui sont les fondements pour que Allah accepte nos œuvres. Hein. Et ça, on ne le répétera jamais assez souvent. Yani, ces deux conditions, al-ikhlas ou al-mutaba'a, c'est-à-dire la sincérité et la pureté dans les actions pour Allah seul, c'est-à-dire de faire nos œuvres sans aucune forme de shirk dedans. Donc ça, c'est la signification de la première partie du témoignage de « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». Et donc, « Al-Ikhlas », c'est la signification de « Ashhadu an la ilaha illallah ». Et « Al-Mutaba'a », c'est la deuxième condition. Et c'est l'explication du témoignage du fait que Muhammad est le messager d'Allah. فَكَمَالُ التَّوْحِيدِ لَا يَحْصُلْ إِلَّا بِتَرْكِ ذَلِكِ إِلَّا بِتَرْكِ ذَلِكِ وَإِنْ كَانَ مِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ فَهُوَ عَظِيمٌ. Donc le cheikh, il dit, le perfectionnement du tawhid, hein, le fait de perfectionner et de compléter notre tawhid, ne peut être atteint que si on a délaissé, hein, le fait de chercher un bien d'autre que Allah et de chercher de repousser un mal d'autre que, par autre que Allah. C'est-à-dire que si tu veux compléter ton tawhid et parfaire ton tawhid, eh bien tu dois délaisser et abandonner le fait de te tourner vers autre que Allah pour obtenir un bienfait ou pour repousser un mal. Si tu ne délaisses pas ce genre de choses, alors tu n'as pas complété ton tawhid. Et il dit, le cheikh, que même si dans certains cas, ça peut être une forme de shirk mineur, c'est quand même très très très grave. Hein? Parce que le shirk mineur, il est quand même très grave. Il est plus grave que les kaba'ir. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit ici à ce sujet-là, « فَلَا يُتَهَوَنُ بِهِ » لأنه شرك أصغر الشرك الأصغر لا يغفره الله لا بد أن يعذب صاحبه لأنه داخل في عموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ولكنه لا يخلد في النار كما يخلد صاحب الشرك الأكبر. Donc le cheikh, il dit, il faut pas il ne faut pas négliger, hein, la gravité ou dénigrer ou penser que prendre à la légère, disons. Il ne faut pas prendre à la légère le shirk mineur parce que c'est un shirk mineur. Parce qu'il y a cette mentalité chez certaines personnes. Yani, s'ils savent que quelque chose est shirk mineur, ils vont dire, ah, si c'est shirk mineur, c'est pas trop grave. Hein? C'est pas trop grave. Donc, yani, c'est pas comme le shirk majeur. Et c'est certain que c'est pas comme le shirk majeur, mais quand même, c'est très très grave. Puisque le cheikh il dit, même le shirk mineur, Allah ne le pardonnera pas. Il faut que la personne qui ait commis un shirk mineur soit châtiée quand même. Hein? Il n'y a pas le choix. Pourquoi? Parce que ça rentre dans le sens général du verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui. Peu importe que ce soit le shirk mineur ou le shirk majeur. La seule différence entre le shirk mineur et le shirk majeur, par rapport à ce point-là, c'est que la personne qui fait un shirk mineur, elle ne sera pas éternellement en enfer. Contrairement à celui qui fait du shirk majeur, qui lui sera éternellement en enfer. D'accord, ça c'est extrêmement important. Et puis en ce qui concerne la différence dans cette question-là, au sujet du shirk majeur et du shirk mineur, comme on l'a déjà expliqué, c'est que si la personne, elle pense que l'objet ou l'amulette ou le talisman ou le porte-bonheur qu'elle a mis sur elle pour se protéger d'un bien ou pour repousser un mal, elle pense que cet objet-là peut le protéger du mal indépendamment d'Allah. Alors dans ce cas-là, ça c'est une forme de shirk majeur. Hein? Tandis que si la personne, elle dit, je crois que cette chose peut me protéger d'un mal ou ramener un bienfait, mais pas indépendamment d'Allah. Hein? Pas indépendamment d'Allah. C'est-à-dire, elle dit, ça c'est une cause que Allah a créée et donc je l'utilise dans ce sens-là. Je l'utilise comme étant une cause que Allah a créée pour me protéger du mal ou pour ramener un bienfait. Alors dans ce cas-là, ça rentre dans le shirk mineur. Pourquoi? Parce que la personne, elle prétend pas que l'objet peut l'aider, ramener un bien ou repousser un mal de lui-même, hein, de l'objet lui-même. Mais elle dit c'est Allah qui peut le faire et ça c'est une cause ou un moyen que j'utilise pour m'en protéger. Et on a expliqué que quelque chose ne peut pas être considéré comme étant une cause ou un moyen pour repousser un bien, pour repousser un mal et ramener un bien, excepté s'il y a une preuve que c'est permis de l'utiliser. Soit une preuve dans le Coran ou dans la Sunna, donc dans ce cas-là, ça devient quelque chose qui est légiféré, ou une preuve scientifique, médicale, qui justifie l'utilisation de ce remède, hein, ou de cette chose comme étant quelque chose d'efficace et que c'est prouvé cliniquement qu'il y a un effet relié à cette cause. Alors, dans ce cas-là, on peut dire oui, c'est vrai, il y a une cause, c'est Allah qui l'a créé, et dans ce cas-là, je l'utilise comme étant une cause. Par la permission d'Allah, je peux guérir avec ça, ou bien je peux repousser un mal avec ça. Ça, c'est correct. Tandis que si quelqu'un utilise quelque chose, il prétend que c'est un moyen ou une cause, sauf qu'il n'y a aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, et que cliniquement, il n'y a rien qui prouve que cette chose-là a réellement un effet pour guérir telle ou telle maladie, alors dans ce cas-là, ça devient de la superstition. Ça devient de la superstition, et le musulman n'a pas le droit de croire aux superstitions. Et ça, dans ce cas-là, ça rentre dans le shirk mineur. Donc ça c'est la différence entre les deux catégories. Le cheikh il explique ensuite, il dit فَإِذَا كَانَ هَذَا قَدْ خَفِيَ عَلَى بَعْضَ الصَّحَابَةِ فَكَيْفَ لَا يَخْفَ عَلَى مَنْ هُوَ دُونَهُمْ فِي الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ. Donc il dit si ce genre de choses a échappé à certains d'entre les sahaba à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors comment cela n'échapperait-il pas à des gens qui sont moins que les sahaba dans la science et dans la foi. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire sur ça. Il dit إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأُمُورِ وَهِيَ حُكْمُ تَعْلِيقِ التَّمَائِمْ وَالْخُيُوطِ وَالْوَدَعِ يعني خَفِيَتْ عَلَى الصَّحَابَةِ فلذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم لهم حكمها. فكيف لا تخفى على من بعدهم؟ يقولون لا تشغلون الناس بتعليم التوحيد والنهي عن الشرك. الناس الآن ما هم بحاجة إلى هذا الأمر، لأنهم يفهمون هذه الأشياء. هل هم أفهم من الصحابة الذين خفي عليهم بعد هذه الأمور؟ وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ذلك. Donc le cheikh il explique que يعني, ces choses-là, si elles étaient parfois inconnues, ou bien si certaines de ces choses ont échappé aux sahaba, c'est-à-dire le verdict par exemple d'accrocher des amulettes ou des talismans ou des cordes, hein, ou des bracelets ou des colliers dans le but de se préserver d'un mal ou de repousser un bien, de se préserver d'un mal ou de repousser un mal ou de ramener un bienfait. Si ça a échappé certains d'entre les sahaba, et c'est pour cette raison que le messager sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué justement le verdict à propos de ces choses-là. Alors si ça a échappé à certains d'entre eux, comment cette chose-là ne pourrait pas échapper à ceux qui sont après les sahaba ou qui viennent après les sahaba? Et les gens, il y a certains d'entre eux aujourd'hui qui disent « Ah, cessez d'occuper les gens ou de préoccuper les gens avec l'enseignement du tawhid et l'interdiction du shirk. Cessez de leur parler de ces choses-là. Les gens aujourd'hui n'ont pas besoin de ça. Hein? Les gens aujourd'hui n'ont pas besoin de ça. Parce que ils comprennent déjà ces choses-là. Et donc le cheikh il dit, est-ce que les gens, tu crois qu'ils ont plus de compréhension que les sahaba? Hein? Si on prend en considération que certains d'entre les sahaba, certaines de ces choses-là leur ont échappé. Alors, si ça a échappé certains d'entre eux, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a clarifié, alors imagine l'importance de clarifier ces choses-là pour les musulmans d'aujourd'hui. C'est encore plus important. Donc, malheureusement, on a cette catégorie de gens aujourd'hui qui, Allahul Musta'an, ont ce genre d'attitude complètement insensée de la part de certains qui découragent les musulmans d'étudier la aqida de l'islam et le tawhid, qui est le fondement même de cette religion. Le cheikh il dit ensuite فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب. C'est-à-dire que comment ça ne pourrait pas échapper à certains d'entre ceux qui viennent après les sahaba, qui sont en dessous des sahaba dans la science et dans leur degré de foi. Il dit بعدما حدث من البدع والشرك كما في الأحاديث الصحيحة تقدمت الإشارة إلى ذلك. Il dit surtout après tout ce qui est arrivé dans la Ummah comme innovation et comme différentes formes de shirk qui sont apparues dans les pays musulmans. Alors, comme ces choses-là avaient été annoncées dans les hadiths authentiques également, et on a déjà indiqué quelque chose à ce sujet-là dans les cours précédents. Le cheikh, cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce passage-là. Il dit « هذه لفتة طيبة من الشيخ رحمه الله الذين يقولون الآن الناس تجاوزوا مرحلة السذاجة تعلموا وتثقفوا ولا خوف عليهم من الشرك هذا من الغرور والعياذ بالله. يعني هل هم أفضل من الصحابة وقد خفي على بعضهم هذه الأشياء حتى بينها لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالمسلم بحاجة إلى تعلم التوحيد دائما لأنه تخفى عليه أمور لا سيما والعادات والتقاليد ودعاة الضلال يلبسون على الناس. فالمسلم بحاجة إلى من يبين لهم تفاصيل التوحيد وتفاصيل الشرك والابتعاد عنها. Donc ici le cheikh il dit, et ça c'est un genre de disons, le cheikh ici il fait allusion à quelque chose qui est très très bien et très bénéfique, très important par rapport à des gens qui qui disent aujourd'hui, les gens ont dépassé l'époque de l'innocence, hein, ou de, comme si en voulant dire que les êtres humains dans le passé, comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou à l'époque des messagers précédents, ils étaient innocents, ils étaient naïfs, hein, ils étaient naïfs. Et yani sadaja, c'est la naïveté. Donc ils étaient naïfs, donc ils faisaient du shirk, ils étaient superstitieux, ils croyaient en toutes sortes de choses. Mais à notre époque, les gens ont dépassé cet état-là, puis maintenant ils sont maintenant devenus savants, ils sont devenus cultivés, ils connaissent la science et toutes sortes de choses. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir peur qu'ils tombent dans du shirk, hein, ou des choses de ce genre. Et le cheikh, il dit, ça en réalité, c'est de la tromperie de penser comme ça. Voilà, ayyadu billah. Il dit, parce que, est-ce que les gens d'aujourd'hui sont meilleurs que les sahabas? Alors que les sahabas, certains d'entre eux, certaines de ces choses-là leur échappaient parfois. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur clarifiait, hein, le verdict au sujet de ce genre de choses. Alors, le musulman, il a toujours besoin d'apprendre le tawhid. Parce que beaucoup de choses peuvent échapper aux musulmans. En particulier, hein, du fait qu'il y a des traditions, des coutumes qui éloignent les gens parfois de la compréhension de l'islam correct. Également, il y a des gens qui appellent et qui prêchent à l'égarement, hein, et qui confondent les gens et qui mélangent les gens dans leur religion. Donc le musulman, il a toujours besoin de quelqu'un qui va lui clarifier les détails du tawhid et les détails de ce que signifie le shirk pour qu'il puisse s'en éloigner. D'accord? Donc ça, c'est un point extrêmement important ici que le cheikh mentionne, parce que il y a effectivement cette catégorie de personnes qui pensent comme ça. Et vous seriez étonné de voir que qu'est-ce que le cheikh il dit, c'est pas seulement des choses qu'il prétend, hein, qu'il imagine. Et il y a des gens, hein, qui parlent vraiment de cette façon et qui disent vraiment ce genre de choses. Et pour vous donner des exemples, j'ai entendu ce genre de propos de la part de certains prêcheurs parmi les Ikhwan, parmi les Sururiyah, et même parmi les prêcheurs francophones, comme par exemple Tariq Ramadan, même si aujourd'hui plus personne ne se réfère à lui, mais malgré tout, hein, il fait partie de ceux qui ont prêché ces idées-là. Il disait, le shirk primitif, à l'époque, c'était l'adoration des idoles. L'adoration des idoles, c'était le shirk primitif. En voulant dire, maintenant les gens, ils ont dépassé cette époque-là, maintenant il n'y a plus de danger de tomber dans ce shirk. Il dit, maintenant le nouveau shirk, c'est, hein, l'adoration des marques, l'adoration des belles voitures, l'adoration de l'argent. Il essaie d'interpréter le shirk d'une autre façon. Hein, d'une façon un peu socialiste. Ala kulli hal, Sayyid Qutb également, il fait partie de ceux qui ont mentionné ce genre de propos. Et donc c'est très très dangereux ce genre de pensée-là. Parce que ça donne l'impression que les gens d'aujourd'hui ne peuvent plus tomber dans le shirk. Or, quand on regarde les choses qui se propagent actuellement dans les populations musulmanes et parmi les musulmans du commun, on voit qu'il y a toutes sortes de superstitions qui commencent à se faire et des gens qui commencent à pratiquer même des formes de shirk, d'aller voir des sorciers, d'aller voir des gens qu'ils pensent être des raqi, hein, quelqu'un qui se dit être un raqi. Il fait la ruqya pour les gens, et il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui avoir besoin d'une ruqya parce que ils pensent être possédés, ou ils disent être possédés, ou ils disent souffrir de quelque chose, de mal occulte, ou bien de mauvais œil, ou des choses de ce genre. Alors ils vont voir quelqu'un qui se prétend raqi, et cette personne va leur faire toutes sortes de superstitions, et toutes sortes de formes de shirk, même du sihr, et ils ne vont même pas être capables de distinguer qu'est-ce que cette personne-là est en train de faire, et ils vont peut-être même accepter de participer à de la sorcellerie en pensant que c'est de la ruqya. Ou bien ils vont voir un marabout, ou bien ils vont voir quelqu'un de ce genre, et étant donné qu'ils sont ignorants de la sunna, ils ne vont pas être capables même de savoir que c'est, qu'est-ce que cette personne-là fait, c'est contraire à l'islam. Et il y a plein d'exemples comme ça de gens qui font, qui, quand les gens deviennent parfois désespérés, ils perdent l'espoir en Allah, et ils veulent une guérison ou une solution à tout prix, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout faire. Allahul Musta'an. Et c'est pas seulement des questions qui ont rapport avec des solutions, qui ont rapport avec des moyens occultes, comme les sorciers ou des choses comme ça. Même parfois des formes de médecine, comme on dit, il y a un terme qu'ils utilisent pour dire ça, c'est une forme de, des formes de médecine non conventionnelle. C'est comme si c'est des formes de médecine qui ne sont pas vraiment établies comme étant efficaces. Mais c'est des trucs, parfois des trucs New Age. Parfois c'est mélangé avec toutes sortes de superstitions. Et souvent les gens qui sont derrière ces affaires-là, c'est juste pour faire de l'argent, ramasser de l'argent. D'accord? Et ils disent non, ça c'est la médecine traditionnelle ou... ils vont voir des chamans, des prêtres, ou pas des prêtres, mais des... comment on dit chamans? Chamans, c'est comme dans les spiritualités amérindiennes, c'était eux les guides spirituels parmi les tribus. On les appelait des chamans. C'est comme des sorciers, en fait. Et ils vont vers ces choses-là. Ou bien ils vont dans les formes de chez les... Par exemple, les sorciers dans les... culture africaine, chez les voodooisants, ils vont voir des gens comme ça, ou bien en Inde, chez des gourous, ou bien des trucs comme ça, ou en Chine, ou en des médecines anciennes. Yani, c'est pas comme, si c'est des choses qui ont une preuve, qui sont établies, comme certains traitements qui existent dans certaines médecines anciennes, mais qui sont établies comme sur des preuves, sur des choses sérieuses, dans ce cas-là, ok, mais si c'est des choses que les gens inventent, ou des mouvements que les gens inventent nouveaux, là, qui n'ont aucune base, et des fois les gens ils sont malades et ils sont tellement mal pris qu'ils sont prêts à croire à n'importe quoi, donc il faut faire attention dans ces choses-là aussi, parce que ça peut même faire tomber dans le shirk également. Le shaykh, il dit ensuite... نعم وهذا ما يبين معنى لا إله إلا الله أيضا فإنها نفت كل الشرك قليله قليله وكثيره يعني نعم كما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Donc ici, le cheikh, il dit, et donc ça, c'est, ça explique, ça fait partie de ce qui explique donc la signification de la ilaha illallah aussi. C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est la négation du shirk. Que ce soit un shirk qui est petit ou grand. Petit ou grand. Peu ou beaucoup. Dans les deux cas, yani, c'est du shirk. Et il faut se méfier de toutes les formes de shirk, même si c'est petit. Parce que certaines personnes, ils peuvent s'imaginer que si c'est un gros shirk, oui, ça c'est grave. Mais si c'est un petit shirk, dans le sens que le shirk, c'est pas fait avec quelque chose qui est grand, ils s'imaginent que c'est pas grave. Mais c'est pas la grosseur de l'acte, mais c'est l'acte elle-même qui est pris en considération. Comme on donnait l'exemple, je parlais avec des frères, on discutait par rapport au hadith, l'homme qui avait donné en sacrifice une mouche. Donc c'est sûr que peut-être que quelqu'un qui donne une mouche en sacrifice, tu vas dire, ah, une mouche c'est rien. Mais c'est l'acte qui est grave, même si c'est pas la grosseur de l'objet qui est sacrifié ou de la chose qui est sacrifiée, mais c'est Hein? C'est l'acte lui-même qui est pris en considération ici. Et le cheikh, il mentionne le verset ensuite, le verset 18 dans surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, ainsi que ses anges et ceux qui détiennent la science établie en toute justice. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui, le Tout-Puissant, le Sage. Et le cheikh, il dit à propos de ce verset-là, et on va s'arrêter ici après, le cheikh, il dit « وَالشَّيْخُ فِي الْبَابِ الْمَاضِ يَقُولْ تَفْسِيرُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ وَمَا بَعْدَهَا مِنَ الْأَبْوَابِ فَهَذَا تَفْسِيرُ قَوْلِهِ فَهَذَا تَفْسِيرُ يعني فَهَذَا تَفْسِيرُ بِشَأْنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مَعْنَاهَا نَفْيُ الشِّرْكِ بجميع أنواعه حتى لبس الحلقة والخيط والودعة والتميمة وغير ذلك وهذا لا يتناسب مع لا إله إلا الله. Donc il termine, on va terminer avec ce passage là. Le cheikh il dit donc dans le chapitre précédent, à la fin du chapitre, on avait expliqué que qu'est-ce qui suit des chapitres jusqu'à la fin seront des chapitres qui vont expliquer la signification de la ilaha illallah. Et yani, on comprend donc que ça rentre donc dans l'explication de la ilaha illallah et également la négation du shirk dans toutes ses différentes formes. Et parmi les formes du shirk qui justement viennent en contradiction avec la ilaha illallah, il y a justement le fait de porter ce genre de bracelet ou de corde ou de talisman ou d'amulette ou n'importe quel autre porte-bonheur que les gens peuvent utiliser pour ramener un bienfait ou repousser un mal. Hein? Et chercher des bonnes augures et repousser les mauvaises augures ou des choses de ce genre. Et donc, le fait d'utiliser ou d'avoir recours à ces choses-là vient en opposition avec la signification de la ilaha illallah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, on continuera au prochain cours la suite. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.